semaine au Undead Incorporated Show, réanimation. Étant la quatrième et dernière émission du mois, je présente l'album marquant, soit le premier album de la formation québécoise Dead Brain Cell, paru en 1987. Mais vous devrez mériter cette présentation. Donc, pendant les presque 20 prochaines minutes, juste avant la présentation des DBC, vous devrez vous tenir tête en bas, la tête appuyée sur un tapis clouté de fakir, et attendre. Et ensuite, vous aussi, vous aurez les Dead Brain Cells. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin. Surtout lorsque ces traitements d'acupuncture ressemblent plus à de l'empalement typique qu'autre chose. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated. 'Cause I, Pendragon, said so. Go.

avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas, Rock de Neurones, les lundis 20h. Écoutez, Mme Poitras, c'est pas facile de vous annoncer ça, j'ai une grosse nouvelle. Votre mari passera pas la nuit. Oh non! Pas mon mari! Non, il passera pas la nuit à l'hôpital, vous pouvez y aller. Oh, désolé, c'est juste pour voir votre face, ça me laisse en pièce. C'est pas toujours le bon moment pour rire. Pour ça, il y a l'impro tous les lundis à la Chasse-Galerie. Lundi, le 1er décembre, venez voir les oranges et les rouges s'affronter dans un grand duel de blagues et d'émotions fortes. 20h, Chasse-Galerie, gratuit. Ça fait un certain temps que tu bûches sur tes études. Tu finis ton certificat, ton bac ou ta maîtrise en juin 2015. Procure-toi ton guide de survie à la diplomation et participe aux activités organisées par le Bureau des diplômés de l'UQTR. 18 000 $ en prix à gagner. En tout, 9 mois d'activité, une par mois durant toute l'année scolaire. Pour plus d'infos, uqtr.ca/diplôme/guide de survie. Activité 4. Connais-tu ton alma mater? Remplis le questionnaire en ligne, 10 questions à compléter et les réponses se trouvent toutes sur le site de l'UQTR. Tu as jusqu'au 10 décembre minuit pour participer. Un prix de 200 $ en argent sera remis par tirage au sort parmi tous les questionnaires complétés, réussis et sans faute. Vite! Mets la main sur ton guide de survie à la diplomation. Fou d'exploration. Sur le campus à Trois-Rivières, c'est le 89. C'est fou! En cette nouvelle édition de Réanimation, cette dernière du mois des morts, 25 novembre, de l'an de disgrâce 2014, je suis le Dr. Payne Pendragon et je vous accompagne métalliquement et ce jusqu'à 21h. Ai-je besoin de vous dire que ce soir également, il s'agit d'une émission fort chargée? Non, je crois que non. En fait, on va débouler ça dans l'ordre comme il se doit et essayer d'atteindre le maximum de l'objectif qui est visé, c'est-à-dire de tout vous passer ce que j'ai programmé, c'est-à-dire à peu près impossible. On vient d'entendre avant cette pause publicitaire une formation que je passe, je dois dire malheureusement, rarement. Est-ce que je ne suis pas inspiré ou est-ce que je n'y pense tout simplement pas, je n'ai aucune idée, mais bref, il s'agissait de Venom, une pièce tirée d'un album qui est paru en 2000 sous Resurrection, la pièce étant War Against Christ, qui est sous étiquette Steam Armor. Je trouve que c'est une excellente pièce. En fait, je trouve que l'album est pas mal bien. Nous avions juste auparavant la dernière parution, non, c'est pas vrai, la première parution de la formation Entombed Haiti. Bon, si on veut, c'est la dernière parution d'Entombed, parce que c'est pratiquement ça, là, mais bon. La pièce étant Bedlam Attack, que l'on retrouve sur Back to the Front, c'est paru 2014, tout à fait, comment je vais dire ça? J'ai encore perdu mes mots. Évidemment, voilà. En 2014, sur Century Media, nous avions la formation de Bachery, formation qui nous vient d'Allemagne, et la pièce Killer Beast. Je pense que c'était assez évident dans ces paroles que la pièce portait le titre de Killer Beast. C'est tiré de la dernière parution Kings of Carnage qui est paru en 2013. Et il ne faut pas oublier que Debauchery, c'est aussi Thomas Garratt, en fait The Blood Beast, Blood God, qui est aussi le chanteur de la très bonne formation Blood God, dont le Rockmaster et moi avons fait passer à quelques reprises sur l'émission Rock Classique. C'est vraiment très, très bon. En fait, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, c'est une des formations qui m'a le plus accroché cette année jusqu'à présent. Et imaginez-vous avoir une espèce de ici-d'ici qui sont en overdose. Donc, mais en overdose, vraiment très productive, je dois dire. Donc, c'est vraiment excellent. Nous avions, en ouverture de bloc, une des pièces que je retiens le plus de cette dernière parution de cette formation américaine, la Floride, soit Obituary, formation qui, bien sûr, font partie des instigateurs du mouvement death metal à la fin des années 80, début 90. La pièce étant Violent by Nature, on trouve ça Inked Blood, qui est paru tant qu'à lui, il y a peu de temps, soit le 24... attendez un petit peu, je vais vous dire. Je pense que c'est le 24 octobre. Exactement, c'est le 24 octobre dernier sur Relapse. Je n'avais pas tellement apprécié cet album-là. Je le trouvais très... très endormant. Oui, en fait, endormant est pas mal le titre, le qualificatif pour ce dernier titre de Obituary. Quoique, il reste qu'il y a au moins trois vraiment bonnes pièces, selon moi, à l'intérieur de ce dernier album, mais non, c'était pas partie des highlights en ce qui me concerne pour 2014. Chronique cinéma. Évidemment, petite chronique musicale, bien sûr, et un bloc qui, je le souhaite très fort, si je peux arrêter de m'ouvrir la manche patate, là, qui devrait conclure l'émission, qui est un bloc quelque peu conceptuel, si on veut, qui porte le titre de Angels. Je vais vous expliquer ce qu'il y en est, c'est très simple. Mais en fait, ça doit d'être très simple pour que vous soyez capable et apte à pouvoir comprendre quel est le pseudo similier concept qui est à l'intérieur de ce bloc. Aussi, il y a la présentation de l'album marquant, bien sûr, parce que c'est la dernière émission du mois. Je l'ai dit en ouverture d'émission. Elle s'adresse à Dead Brand Cells, à DBC. Et nous avons une collaboration. En fait, ça faisait bien longtemps qu'il ne l'avait pas fait. Nous avons une capsule de Tower le Hellborg qui nous parlera, après cette présentation, de ses appréciations de samedi dernier, soit le 22 au Catacombe, lorsqu'il a assisté au spectacle de Dead Brand Cells, DBC, bien sûr, et entre autres de Soothsayer. DBC. Bien, c'est une formation qui a vu le jour en 85, une formation montréalaise, et qui, en fait, je dois dire, n'a qu'une relativement très courte discographie. On parle de deux albums principalement parus lors de leur activité, de leurs grandes années d'activité, soit Dead Brand Cells, que je vais vous présenter dans quelques instants, qui est paru en 87, et Universe, qui est paru en 1989. En 95, il y avait un album Unreleased, qui était justement releasé, pour ainsi dire, qui comportait des pièces qui n'avaient jamais été portées, je dirais, au grand public, sous enregistrement, sous type format CD. Il y a des bonnes choses dessus, effectivement. Donc, c'est une formation qui n'a qu'une petite activité au niveau de l'enregistrement studio, mais qui a quand même été active de 85 à 86 sous le nom de Final Chapter et de 86 à 91 pour revenir en 2003, revenir en 2006 jusqu'à aujourd'hui sous le nom de Dead Brand Cells, DBC, bien entendu. C'est une formation, moi, que j'ai toujours appréciée. Parce que je trouve qu'ils sont innovateurs dans ce qu'ils ont fait. Ils étaient précurseurs même d'un mouvement un peu plus, principalement au Québec, d'un mouvement un peu plus à tendance progressive avec des structures musicales moins conventionnelles. Ce que j'aimais particulièrement chez DBC, c'était la dualité, ben en fait une dualité non, je dirais plutôt la complémentarité des vocaux qui chantaient souvent, très souvent, les deux vocales chantaient très souvent ensemble, donc ça faisait quelque chose de fort intéressant en studio, du moins. Et je pense que c'était relativement recherché comme musique aussi. En fait, selon ce que je discutais avec le Rockmaster lors de la dernière édition des réanimations, ils avaient qualifié leur musique de « brain metal ». Bien sûr, DBC, c'est Eddie Shiny à la guitare, Phil Dawkins à la basse et au vocal. Maintenant, The Quinn à la guitare et de Graham Ferguson, qui semble-t-il est un batteur fort appréciable. Mais c'était initialement aussi le groupe du défunt Jerry Ouellet, qui était guitariste, qui est décédé en 94, et du batteur Jeff St. Louis, qui était à la barre de DBC pendant pratiquement toutes les années d'activité, mais qui aura dû cesser en 2009. Je crois que c'est une question de santé. Le premier album de Brancell, qui était sorti sous étiquette Combat Records, c'est l'album que je préfère de cette formation. Il est, oui, plus, je dirais, d'une certaine façon, viscéral. Un peu moins progressif, si on veut, que Universe, mais quand même, on voit déjà à l'époque, pour deux années auparavant, que ce premier geste de DBC dénotait déjà une distinction au niveau de leur façon de composer et leur façon de concevoir le métal. Je vous propose six pièces qui, à l'époque, constituaient la face A de ce vinyle, dans lesquelles on va entendre Deadlock, Monument, Lies, Power and Corruption, Tempest et Public Suicide. Donc, je vous propose six pièces de DBC à l'instant. Et on devrait se retrouver, j'imagine, après cette parution. Enjoy. Salut, c'est Phil, le bassiste et chanteur de DBC, et vous écoutez Réanimation sur C'est Fou 89.1 FM, Trois-Rivières. We'll be right back. Time. Dead Brinsoul, DBC. Il est 19h50 et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show. C'était la présentation de l'album marquant du mois. Comme je l'ai dit, Dead Brain Cells, c'est le nom du groupe. C'est aussi le nom de cet album paru en 87 sur Combat. On vient d'entendre la quasi-instrumentale Public Suicide. C'était précédé de l'instrumentale Tempest. Très bonne pièce d'ailleurs. Power and Corruption. Nous avons entendu Lies, Monument et en ouverture, la première pièce et ouverture de cet album, Deadlock. C'est un très bon album avec lequel j'ai renoué depuis un certain nombre de semaines. J'ai jamais arrêté d'aimer ça, mais je le réécoute de façon beaucoup plus, je dirais, régulière depuis quelques semaines et je le redécouvre sur une nouvelle dimension maintenant. Je trouve très bon cet album-là. Je trouve que DBC, généralement, fait de la très bonne musique. Bien entendu, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait longtemps que notre ami le Hellborg n'avait pas collaboré à Réanimation. C'est probablement faute de temps parce que nous sommes en communication assez régulièrement, lui et moi. Tower, le Hellborg, est vraiment un passionné de musique, c'est un passionné de métal. Et nous avons beaucoup d'échanges. C'était aussi un passionné, je dois dire, de rock classique, effectivement, de l'émission et du style musical, bien entendu. Je savais que l'Hellborg devait assister à ce spectacle, en fait, qui était la deuxième soirée de ce spectacle de DBC, de Brain Cells, au Catacombe de Montréal, ce samedi dernier, soit le 22, puisqu'il jouait le 21 à Québec. Et il a eu l'amabilité de me faire cette capsule audio pour nous donner un peu ses impressions de ce spectacle et un peu comment il a vécu sa soirée. Donc, sans plus attendre, écoutons l'Hellborg. Bonsoir docteur, bonsoir aux auditeurs de réanimation sur Sifu. Si le cyborg Tower LT-1000 alliance le Hellborg en direct de la planète Montréal, rapport du 23 novembre 2014. On a assisté à un concert hier au Catacombe qui mettait en vedette DBC, Soothsayer de Québec, Kill of Rice et Warsenal. Warsenal, un groupe qu'on a manqué la prestation. Mais on a entendu des bons comebacks, peut-être un groupe un peu plus accessible que les autres sur le bill, si on veut, qui faisait peut-être quelque chose d'un peu plus comme un mélange entre le traditionnel et le speed metal, peut-être. Bref, qui ont eu la faveur d'une partie du public qui avait peut-être un peu plus de misère avec la défense de Soothsayer, par exemple. Kill of Rights, avec Eddie Shaney de DBC, évidemment, son projet actuel avec Jacques Dupuis, qui est un ancien de Countdown Zero dans les beaux jours de la scène hardcore de Montréal. Ils font un peu dans le groove metal et le thrash metal à la fois, avec une attitude peut-être légèrement punk dans l'interprétation, surtout live, parce que l'énergie est vraiment bonne. Donc, ça l'a bien entraîné l'auditoire présent. La composition, en fait, de l'album de Kill of Rights, le seul qui ont à leur actif, à ce qu'on a entendu, qu'on serait composé à l'occasion de certains riffs qui ont fait partie des derniers balbutiements de DBC à l'époque, là, après Unreleased. Ensuite, évidemment, ben Soothsayer, line-up original, interprétation du démo d'octobre 86 au complet. Une sono un peu défavorable, je dirais, par rapport à ce qu'on avait vu en 2007 au Club Soda, c'est évident. On parle pas c'est pas dans la même ligue, le côté sonorisation et tout. Mais quand même, ça a été vraiment ce qu'on appelle un set de défense littéralement, malgré une pièce Build the Terrorism jouée légèrement au ralenti, mais ça peut-être un peu agacé les plus érudits, je dirais, mais c'était vraiment un set pour les nostalgiques, parce que pour les initiés ça a été peut-être un peu plus difficile. J'ai entendu des commentaires un peu est-ce que c'est vraiment faut les mettre en contexte à l'époque, l'impact que ce groupe-là a eu sur la scène ici, un peu à l'extérieur aussi, même en Europe, quand le démo, un démo qui a quand même assez bien circulé et qui a eu quand même une certaine influence. Bref, les gars sont très en forme et c'est un groupe à voir s'ils passent dans un bar près de chez vous, sans contredit. Ensuite, la tête d'affiche DBC. Que dire, ils ont joué des pièces de leur, principalement de leurs deux albums, évidemment. Le matériel de Unrelease, quelques bonnes pièces sur cet album ont été malheureusement évitées, mais il a fallu que le band fasse des choix quand même avec la réalité logistique et tout, là, évidemment, puisqu'ils œuvrent avec deux membres de groupe de Halifax, dont le batteur qui s'appelle Graham Ferguson, qui a impressionné. Lui fait office de batteur aussi dans El Acoste, qui est un groupe de là-bas. Et puis, oui, DB ici ont joué des pièces aussi marquantes que Monument, Deadlock, Trauma X, Negative Reinforcement, Genesis Explosion, Final Act. Et on en passe. C'est relativement court quand même. Des bons flashbacks, évidemment, pour plusieurs personnes présentes. DBC, ça a été... c'était... cette soirée-là, en fait, on va le dire tout de suite, c'était une page d'histoire. Donc, pour bien des personnes présentes, c'était... il y a beaucoup de souvenirs personnels rattachés à DBC. Donc, Luc Lemay de Gorguts, entre autres, et qui était présent, a été lui-même impressionné par ce batteur, Graham Ferguson. Donc, et lui, justement, était venu avec des copains de secondaire. Donc, c'était une belle soirée pour se rappeler des bons souvenirs. Phil Dakin, le bassiste-chanteur, a bien assuré, malgré une nuit blanche passée à Québec la veille, semble-t-il, puisqu'il jouait évidemment avec The Affected, entre autres, là-bas. Et puis, solide performance du band, vraiment. Et puis, Jeff Saint-Louis, je l'ai pas rencontré sur place, mais semble-t-il qu'il était supposé d'être présent ce soir-là dans la foule, à défaut d'être derrière la batterie pour au moins une ou deux pièces, comme il avait été déjà discuté. Mais bon, c'est semble-t-il que... Côté technique, côté santé et tout, ce n'était pas vraiment possible dans son cas. Bref, une belle soirée passée aux catacombes, une ambiance conviviale, amicale, un peu similaire à ce qu'on avait vécu, semblable à ce qu'on avait vécu au lancement du livre « L'évolution du métal québécois » avec Voivode, si vous vous rappelez. Vous savez, être entouré d'un paquet de gens, des visages qu'on n'a pas vus depuis longtemps, se retrouver dans une discussion à gauche et à droite entre un Wayne Archibald et un Luc Lemay, c'est quand même particulier. Alors, vraiment, comme je disais tantôt, après le set de DBC, on avait l'impression qu'une petite page d'histoire avait été tournée, autant dans notre propre vécu que dans l'évolution de cette belle scène métal du Québec. Alors, c'est cela. Fin du rapport. Merci Tower et Hellborg. Merci beaucoup. Avant la pause publicitaire, on se retrouve avec la chronique cinéma. Sur le campus à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Fou de contraste. C'est fou 89.1. Opération Nez Rouge de Trois-Rivières recherche des gens qui ont envie de faire un choix triomphal. Être bénévole pour la campagne 2014. Que vous soyez seul, entre amis, collègues, sachez qu'il est maintenant temps de vous inscrire au www.opérationnezrouges.com. Toutes les personnes ayant retourné leur formulaire avant le 1er décembre sont éligibles pour gagner une tablette gracieuseté de HP et Infotech. Plusieurs prix à gagner et plein de nouveautés. On vous attend pour plus d'informations. 819-373-5121. Cet hiver, impliquez-vous pour Opération Nez Rouge. Dans une pinte, microbrasseurs et micro-torréfacteurs se rassemblent pour vous faire découvrir des saveurs locales du petit matin jusqu'en fin de soirée. Des bières traditionnelles et novatrices, des cafés frais torréfiés autour d'une table évolutive et originale. Lieu de prédilection pour une session d'études, un souper et une soirée conviviale dans un cadre rustique évoquant l'époque ouvrière. Parce qu'il fait soif d'originalité et de qualité. « Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2 pour 1 sur la pizza. N'oublie pas non plus notre rabais midi de 10% de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Wi-Fi gratuit. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Visite le botanpizzeria.com pour d'autres promotions. Du lundi au jeudi, Assemblage Requis vous sert un petit déjeuner complet. Au menu, des chroniques nutritives faites maison, des segments fraîchement préparés par nos chefs chroniqueurs et de la musique savoureuse. Deux pelletées de contenu pour commencer la journée la tête bien remplie. Est-ce qu'on peut faire moins d'analogies de déjeuner? Je te promets rien. Assemblage Requis avec Mathieu Plante et Stéphanie Paradis. Du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30. En direct à partir de 7h30. Sur le campus à Trois-Rivières, c'est le 96.9 Fou de Trouvailles. C'est Fou 89.1. Et vous êtes à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Eh bien oui, comme à chaque semaine, ou pratiquement, je m'efforce de le faire, je vous entretiens des trucs que j'ai découverts au niveau du cinéma. Et cette semaine, il y aura en fait quelques trucs qui meubleront bien cette chronique, parce que j'ai vu, en fait, j'en ai vu plus que ça, là, mais j'en parlerai pas en entier de chacun parce qu'il y en a qui ne méritaient pas, mais j'ai retenu 4 titres. Je vais y aller en crescendo, d'accord? C'est-à-dire que je vais augmenter la cadence au fur et à mesure et je vais augmenter mes qualificatifs envers certaines productions. Un film qui piquait ma curiosité et en même temps, comme je l'ai dit lors de l'émission de la semaine dernière, j'avais pas beaucoup d'attentes. Il s'agit d'un film qui vient des studios Marvel. C'est Guardians of the Galaxy. Qui est un film de James Gunn et qui met en vedette, entre autres, Chris Pratt et Dave Bautista. Dave Bautista, c'est un lutteur de la WWE. Je l'ai dit lors d'une récente chronique du film Hercules qui mettait en vedette Dwayne Johnson, alias The Rock. Je crois que les lutteurs ne devraient pas devenir acteurs. Bon. Bautista, on l'a pris pour son physique, bien entendu, parce que c'est quelqu'un d'assez imposant. On lui a donné un rôle qui était relativement minimaliste et c'était correct. Dans l'ensemble, ce film, qui est un film de science-fiction et d'action, bien entendu, je l'ai dit, signé Marvel, qui sont les Gardiens de la Galaxie, je n'en avais aucune idée, je ne connaissais pas du tout, je peux même pas vous dire si c'est tiré d'une bande dessinée ou quoi que ce soit, je présume que oui, mais je n'en ai aucune idée. J'ai trouvé ce film, en fait, j'ai donné une cote de 5,5 sur 10, ce qui pour moi est passable, mais sans plus. C'est bien fait, il faut que je l'admette, c'est bien fait, mais l'histoire pour moi est un petit peu, sans suite. Ça ne m'a pas vraiment emballé, c'était pas totalement mauvais, mais des super-héros, une bande de super-héros du moins à en devenir, parce qu'ils le deviennent plus vers la fin du film, qui sont accompagnés d'un super-héros raton laveur qui semble-t-il est un produit génétique, mais peu importe, c'est un raton laveur. Pour moi, ça fait plus parodie, si on veut. Ce que j'aime un petit peu moins dans les films de super-héros, c'est un peu, paradoxal, parce que les super-héros, c'est une parodie, finalement. Mais bon, je les aime un peu plus sérieux, si on veut. J'ai pas trouvé ça mauvais, mais sans plus, 5,5 sur 10. Si vous vous emmerdez, ça pourrait vous distraire pendant le temps de sa durée. Autre chose, maintenant, un film qui mérite un 6 sur 10, c'est Left Behind, qui est un film fantastique. Connotation thriller un petit peu, qui met en vedette Nicolas Cage, et qui est un film de Vic Armstrong que je ne connais pas du tout. Pas Nicolas Cage, mais bien Vic Armstrong. C'est un film qui traite de l'enlèvement, la disparition, par contre, subite de divers humains autour de la planète, principalement des enfants, mais beaucoup d'hommes, de femmes, et puis en fait tous les enfants ou à peu près, qui ne laissent subitement là en dedans d'une fraction de seconde que leurs vêtements à l'endroit où ils étaient. Et ceci suscite énormément de panique, de peur, de questionnement. Et Nicolas Cage, qui est un pilote de ligne dans ce film, est en plein vol. Et il y a des disparitions qui se font évidemment sur son vol, comme ça. Et de même, il apprend que son plus jeune fils disparaît aussi, qui lui est à la maison avec sa fille aînée. Et sa femme de même disparaît pour apprendre que ce sont, selon les écrits de l'Apocalypse et de la Bible surtout, je présume, c'est tiré de l'Apocalypse si on veut, c'est le début du jugement dernier, c'est les cieux qui décident de rapatrier les gens qui n'ont pas de péché et de les amener au paradis pour les sauver d'une destruction éventuelle et imminente. Je trouvais que le sujet pouvait être intéressant. On l'a rendu un peu film pour la TV, malheureusement. On a dilué un peu ce qui pouvait être l'aspect plus, je dirais... je dirais pas peut-être pas provocateur, là, mais plus choquant, si on veut, qu'on aurait pu en retirer. Ça a fait un film qui était boué, divertissant, de bons moments, oui, je dois l'avouer, mais généralement parlant, somme toute, c'était comme un peu flat. Donc, un 6 sur 10 pour Left Behind. Autre chose que j'ai écouté et que j'ai trouvé deux films auxquels j'ai donné quand même une note assez élevée et similaire. Il s'agit d'un film d'action, un film à tendance criminelle qui met en vedette Jason Patrick, John Cusack et Bruce Willis. Il s'appelle The Prince et c'est un film de Brian A. Miller que je ne connais pas vraiment non plus et qui raconte l'histoire d'un ex-criminel repenti qui est maintenant criminel, oui, fait des actes criminels, mais bref, il était plus chasseur de mafieux, si on veut, qui est devenu mécanicien et dont la fille est enlevée, qui est rendue, elle était carrément séquestrée, elle est rendue junkie de force, bien entendu, et par des amis de son université, qui sont des petits peu des bêtes de foire, là, et réussit à retracer entre les griffes de qui elle est détenue. Et il décide d'aller la rechercher. Bruce Willis ici joue le rôle du méchant principal, qui est un gros caïd excessivement puissant, qui est pas très sympathique, je dois dire. John Cusack joue le rôle d'un ancien criminel, entre guillemets, qui est retiré du circuit, si on veut, qui a encore certaines petites ficelles qu'il peut tirer. C'est un excellent film d'action, c'est un très très bon film d'action, c'est original dans son traitement, c'est original la façon dont c'est apporté. Jason Patrick, pour vous le restituer pour les plus âgés d'entre vous, c'est celui qui jouait le rôle de Michael dans The Lost Boys, film de vampire émérite des années 80 qui mettait aussi en vedette Kiefer Sutherland. Il est vraiment bon, Jason Patrick, là-dedans. Il est vraiment excellent. Il a vraiment bien campé le personnage. John Cusack, qu'on voit un petit peu moins, parce que c'est pas le personnage principal, est quand même... John Cusack, c'est un bon acteur. Et Bruce Willis, qui souvent en fait des rôles un peu ordinaires, je dois dire qu'ici, il joue le rôle d'un bon... il joue bien le rôle d'un méchant. Je lui ai donné un 8,5 sur 10. C'est un film original dans le genre, ça réinvente pas la roue, mais dans le genre action, c'est original, The Prince. Mais mon coup de cœur, malgré le fait que je lui ai donné la même cote, et je vais vous expliquer pourquoi, il s'agit d'un film d'horreur qui porte le titre original de As Above, So Below, qui a été traduit en français par Catacombe, qui est un film de John Eric Vavell, que je ne connais pas. Je ne connais pas non plus les actrices Perdita Waits, Ben Feldman et Edwin Hodge. Je ne les connaissais pas. Mais c'est un des excellents films d'horreur que j'ai vu depuis bien longtemps. J'avais dit la même chose l'année dernière quand j'avais vu... Et pourquoi j'ai toujours un blanc de mémoire avec ce film-là? C'est incroyable. Peu importe. Ça me reviendra bien. C'est un des très, très bons films que j'ai vus. C'est très original comme film. Et ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui, elle, elle est qualifiée avec plusieurs diplômes universitaires au niveau des recherches au niveau de l'histoire, au niveau de l'archéologie, au niveau de tout ce qui est rapport à finalement les si on veut, les civilisations perdues, et ainsi de suite. Et son père s'est attardé une partie de sa vie à la recherche de la pierre philosophale. Pierre philosophale qui, selon la légende, donnerait plusieurs pouvoirs à son détenteur, entre autres comme le pouvoir de la longévité au niveau de la vie, voire éternelle, le pouvoir d'avoir une santé sans connaître aucune maladie, et ainsi de suite, le pouvoir de guérison, le pouvoir de connaissance ultime, et ainsi de suite. Et son père a mis assez brutalement fin à ses recherches puisqu'il s'est pendu, ce qui suscite chez sa fille une certaine interrogation. Et de fil en aiguille, elle fait énormément de recherches et pour découvrir qu'il est possible que cette pierre philosophale-là soit à Paris et qui plus est dans les catacombes de Paris, catacombes qui sont, ma foi, un endroit qui semblait-il, on ne peut pas laisser aller quelqu'un seul dedans parce qu'il n'en reviendra jamais, et qui comporte de nombreux secteurs qui sont complètement condamnés, qui sont même secrets par endroits, qui sont inaccessibles parce qu'il y a des visites guidées, donc qui sont inaccessibles au public. Et de fil en aiguille, il a rencontré un de ses anciens collègues qui est là-bas à Paris, qui s'occupe de faire de la restauration, et mis en contact avec un guide, je dirais, très peu légal, qui fait des visites illégales aussi au niveau de certains endroits des catacombes de Paris qui sont pas accessibles en temps normal, décide de faire cette quête, cette recherche-là pour trouver la pierre philosophale. C'est un film qui, par moments, a fait office un peu à des... comment je pourrais dire? À des films un peu d'aventure tels Raiders of the Lost Ark, Les Aventuriers de l'Âge Perdu, ou même des films qui... quel est le titre déjà avec justement Nicolas Cage? C'est American Treasure, je sais plus. Bref, peu importe. Où il y a des énigmes à résoudre, des mystères qu'on compare certains indices qu'on doit mettre en place pour être capable de pouvoir poursuivre sa quête. C'est un aspect fort intéressant. Et pour se rendre compte que dans les catacombes de Paris, il est possible, comme le dit le titre, As Above, So Below, que les choses soient totalement à l'envers de notre réalité. Bref, je ne peux pas en dire plus parce que je gâcherais vraiment les punchs. Le point négatif que je lui reproche principalement, c'est que ce n'est pas un film qui est tourné caméra à l'épaule, mais c'est un film qui est tourné caméra au front. Parce que on explique bien que lors de cette aventure, on met des caméras frontales et des lampes de poche frontales aux candidats qui sont là, en fait, ceux qui sont portés volontaires pour faire cette exploration-là. Et c'est de cette façon-là qu'on voit l'action. Donc, ça devient un peu dérangeant par moment parce que l'image a tendance à sautiller. Mais au bout d'un certain temps, on s'y fait et ça devient comme pratiquement correct, je dirais. C'est un peu le point négatif que je lui donne, mais pour le reste, un 8,5 sur 10, As Above, So Below, c'est un des très bons films qui est paru en 2014, mais c'est aussi un des excellents films que j'ai vu depuis The Conjuring. Voilà. Nous allons poursuivre musicalement, cette fois-ci, avec une formation que j'aime énormément ici. C'est une pièce qui a une forme de remix. Il s'agit de Meshuga, la pièce que l'on retrouve sur Rare Tracks, qui est parue en 2001. Il s'agit de Concatenation. C'est une longue pièce de 6 minutes 18. C'est un bloc qui va être assez, je dirais, éprouvant par moment ou mouvementé. Alors tout de suite, Meshuga, go! Well, it's big and terrible. More frightening than I ever thought possible. We'll be right back. découverte. C'est fou, 89.1. Débat, enquête, entrevue. Pour tout savoir sur les enjeux étudiants, ne manquez pas les coups des franches avec Yann Bellemare et Jean-François Chapdelaine. Tous les lundis, 13h. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Pour le meilleur du métal progressif et obscur, ne ratez surtout pas Progression Chaotique, tous les mardis de 21h à 23h. Audiomatique, avec les électronistes, tous les mercredis à 18h. En rediffusion, les samedis à 20h. Fou de merveilleux. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Il en reste moins qu'il y en avait tout à l'heure. On vient d'entendre la formation de Project 89 et la pièce d'ouverture de l'album American in March Eternal, soit At the Entrance of Hell's Unholy Fire, qui est paru en 2005 sur Three Man Recordings. Juste auparavant, nous avions Gojira et la pièce Wolf Down the Earth, que l'on trouve sur The Way of All Flesh, et qui est paru en 2008 sur Listenable Records. Et nous avions ouvert avec Meshuga et la pièce Concatenation, qui est un remix de deux autres membres. C'est tiré de Rare Tracks, qui est paru en 2001, qui se valait une forme de, oui, ça le dit, de pièce rare ou inédite ou démo. C'était refait par principalement Frederick Tordendall et Jens Kidman. Moi, j'aime beaucoup cette version-là, quoique très différente de l'original qu'on retrouve sur Chaosphere. Côté spectacle, attendez un peu que je trouve ça. Ben oui, c'est là. Eh bien, BCI présente le mardi 3 février prochain 2015, bien entendu, à 20h au Club Soda, le Pirate Fest 2015, qui met en vedette Swashbuckle. Ben, en fait, Hellstorm, Swashbuckle et The Dread Screw of Hotwood. Il en coûtera $21.74 et 26,9 plus taxes pour assister billetterie du Club Soda. Cette semaine, dans le cadre de Rock Classique, ce vendredi 28 novembre, émission qui se tient entre 11h et 17h, eh bien, entre autres, le Rockmaster vous présentera les nouveautés de And You Will Know Us by the Trail of Dead. Il vous présentera aussi un album obscur avec une formation des années 70 qui porte le nom de Fuzzy Duck. Et moi, je serai là pour être le clown de service, bien entendu, pour faire... pour contredire le Rockmaster, bien entendu, et pour dire plein de choses qui sont totalement inutiles et tous ridicules, plus les unes que les autres. Moi, la semaine prochaine, justement parce que je suis à la chronique musicale de cette semaine, je vous présenterai une formation que j'ai découvert, une formation britannique que j'ai trouvé, ma foi, assez intéressante et qui porte le nom de Voices. Une formation qui donne dans un black death metal à tendance progressive. C'est assez original, je dois dire. L'album porte le titre de London. Je vous en entretiendrai plus et en détail la semaine prochaine. Aussi, il est fort possible, je vais voir avec le temps que je m'accorderai, que je vous parle aussi de la dernière parution de la formation polonaise, soit Behemoth, Gziadz, qui est une édition pour collectionneurs qui se trouve uniquement en vinyle et qui comporte quelques pièces uniquement. C'est disponible uniquement en vinyle, donc il est fort possible que je vous en entretienne aussi. Qu'est-ce que je voulais raconter, moi, là? Parlant pas grand-chose d'intéressant, j'imagine. Écoutez, il me reste à peine de temps pour peut-être même en accélérer, vous proposer ce dernier bloc, comme je le disais en entrée. Est-ce que je vais avoir assez de temps? J'en doute, mais bref. Un bloc que j'ai intitulé Angels. Pourquoi? Parce que chacun des groupes ou des pièces parle d'anges, mais bien entendu, d'anges qui ne sont pas tout à fait recommandables, dans lesquels on va entendre Death Angel et la pièce Prophecy, Slayer et Angel of Death, bien sûr, Dark Angel et Black Prophecies. Il y a une suite en tout ça, là. Et Morbid Angel et la pièce Angel of Disease. Je vous dis à la semaine prochaine pour cette nouvelle édition de réanimation. Soyez avec nous à Rock Classic ce vendredi dès 11h. On remercie encore le Hellbord pour sa collaboration en différé à cette édition de réanimation. Et restez sur les ondes de C'est fou parce que c'est Progression Chaotique dans environ 21 minutes. Sur ce... Quoi, Horace? Il était heureux. Allez tous vous faire foutre. Go! Do it! Waiting for it to die. Then war, I storm. So the voice of me turns. Trees ahead of where it won't land. You see the fear on the earth. Hate to set the base for you.